Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est l'heure de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Entre blé fauché et usine en construction, un chaotique chemin de terre mène à une cabane de chantier. À ses pieds, un immense trou, creusé dans les limons du plateau de Seine-et-Marne, où s'affairent trois personnages, dont deux chapeautés de paille. Nous voici à Montereau-sur-le-Jard, la même où l'homme aurait pu côtoyer le mammouth. Des relations homme-mammouth, on sait que l'un a peint l'autre, notamment dans la grotte de Rouffignac, que ses ossements servirent aussi à édifier des cabanes, l'une d'elles venant d'être mise au jour au cœur des plaines d'Ukraine. L'un de ces Mammuthus primiginus fut aussi découvert il y a tout juste 2 ans, décédé dans les boues des rives de la Marne, son nom Helmut, Helmut le mammouth. Dans les pas du mammouth, suivons Frédéric Blazer et Grégory Bell, préhistoriens et archéozoologues de l'INRAP, sur la fouille de Montereau-sur-le-Jard. Frédéric Blazer, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en plein champ ? Alors, je suis là pour une opération d'archéologie préventive suite à l'extension de l'usine de la SNECMA. Donc on a fait un diagnostic, on a trouvé des niveaux stratigraphiques des sols conservés très anciens avec des silex taillés dedans. Donc du coup on a fait une fouille ici au cœur du plateau Briard à Montereau-sur-le-Jard. Donc là on est en fin de fouille et on clôt le chantier. On pouvait s'attendre à quelque chose ici en plein plateau ? Le plateau Briard et surtout ce coin autour de la ville nouvelle de Sénart a livré de nombreuses occupations déjà, donc c'était pas non plus une surprise en soi. Ce qui était surprenant, c'est d'avoir les sols aussi bien conservés, ce qu'on a très très rarement, et aussi donc un enregistrement chronostratigraphique, c'est-à-dire une suite chronologique avec des couches qui ont enregistré toutes les modifications du climat, qui est unique pour le secteur et qui nous permet une reconstitution fine de l'environnement. Alors là, actuellement, nous sommes environ à quoi, 3-4 mètres sous la terre arable. Ce que l'on voit, c'est une sorte de coupe dont la partie supérieure serait, on va dire, ocre. Et puis ensuite, des sables plus blancs, c'est bien ça ? C'est ça, le haut, en fait, c'est de la terre qui est marquée par des conditions relativement tempérées. En fait, il y a des épisodes de grand froid aussi qui sont marqués par les très gros blocs de grès. Et alors, à la base, on a effectivement des sables blancs, mais ils sont intercalés entre des sols qui sont gris à noir et qui sont caractéristiques dans le nord de la France, mais plus au nord que là où on est. C'est notamment en Picardie, qu'on appelle les sols gris forestiers, et qu'on peut très bien dater, qui se sont développés entre 90 et 70 000 ans. Donc là, si je comprends bien, on serait dans la dernière grande glaciation ? C'est ça, pour les niveaux noirs, au tout début de la dernière glaciation, et tout ce qu'il y a au-dessus, c'est l'ensemble de la dernière glaciation, entre 110 000 ans et aujourd'hui. Ce qui vous intéresse, c'est l'homme préhistorique, ou simplement de comprendre les variations climatiques ? Ce qui nous intéresse avant tout, c'est l'homme préhistorique. Mais pour comprendre même la mise en place du site, on a besoin de cette reconstitution climatique, donc ce qui est d'autant plus importante pour les niveaux où l'homme est présent, parce que ça détermine les ressources qui seront disponibles, quel type de faune, quel type de, si c'est un milieu forestier, si c'est un milieu de toundra, de steppe, où on aura des stratégies très différentes pour les hommes préhistoriques, pour ce qui est des bêtes, de la chasse. Alors, sur cette coupe d'environ 4 mètres, on aurait donc 80 000 ans d'histoire, voire bien sûr de préhistoire. Est-ce que toutes les époques sont représentées ? Alors, on a les phases les plus froides sont en fait absentes. On a une phase autour de 15 à 25 000 ans qui est connue comme le maximum glaciaire, où on a des cultures préhistoriques qui sont très connues, comme le solutréen par exemple. Donc, les niveaux ne sont plus présents. Donc, ça a peut-être été occupé, mais c'est parti. Pareil, autour de 60 000 ans, c'est gros blocs qui ont démantelé les occupations. Donc si c'était occupé, on n'en a plus la trace. Par contre, tous les autres niveaux conservés contiennent des outils préhistoriques, mais plutôt en faible nombre dans la partie supérieure, entre le sol actuel et 2,50 m. Et par contre, toute la série inférieure a livré plus d'un millier de silex taillés qui attestent d'une activité importante de l'homme préhistorique. Donc pour finir, il y a des choses plus présentes au fond, on trouve des silex au fond, alors qu'au-dessus, on pourrait penser qu'il y en aurait plus, tout ça a été lessivé. Alors voilà, ce qu'on pense, c'est que cette représentation, elle est liée à la conservation du site. Disons, comme on est dans une sorte de grand creux, tout ce qui était au fond a été protégé de l'érosion, alors que tout ce qui est sur les points hauts a été démantelé par des phénomènes qu'on appelle périglaciaires. Alors dedans, il y a des ruissellements, il y a des vents très forts. Donc il y a plusieurs processus naturels qui expliquent que les couches disparaissent et on ne trouve plus que des éléments très grossiers comme ces blocs de grès de plusieurs tonnes, mais plus de terre qu'à voler qui est plus là. Ce qui est étonnant, c'est que en général, on trouve peu de gisements préhistoriques au cœur des plateaux. On les trouve plutôt justement sur les pentes, en rupture de plateaux, voire carrément au bord des rivières. C'est vrai, mais c'est sans doute lié aussi à l'histoire de la recherche où les carrières ont notamment beaucoup travaillé dans ces secteurs-là, en rivière et en bord de plateau. Mais par contre, quand on regarde certains grands tracés linéaires, je pense notamment la déviation de Bergerac autour du plateau de Pécharmant, on voit que sur tout le plateau, on a un enregistrement de l'homme préhistorique et c'est conservé grâce à des cuvettes, des dépressions qu'on appelle des dolines qui ont piégé différentes occupations. Et ici à Montreux-sur-le-Jard, on se retrouve dans une situation assez analogue où on a une grande cuvette qui a permis de conserver ces occupations. En fait, ces sites sont tout simplement plus difficiles à détecter. Aussi, il y a un biais de détection, c'est que effectivement, pour aller à 4 mètres de profondeur, ça demande beaucoup plus de moyens, une logistique beaucoup plus importante, et après un coût économique aussi qui est beaucoup plus important. Et si on rajoute en plus l'érosion de certains sites, tous ces facteurs font qu'on a du mal à détecter des sites paléolithiques, mais alors qu'ils sont quand même présents, quoi. Alors vous avez dit le mot, Frédéric Blazer. Le mot, c'est une notion bien sûr géologique, un peu compliquée. Nous sommes sur une doline. Une doline, c'est une sorte d'entonnoir de fait. C'est un creux dans le paysage et qui est souvent créé par l'activité de l'eau souterraine, mais à laquelle peut s'ajouter aussi l'eau extérieure, c'est-à-dire la pluie, des ruissellements. Donc on est effectivement dans un entonnoir. Et alors cette présence de l'eau a aussi constitué un attrait pour les hommes préhistoriques et aussi pour les différents animaux qui sur le plateau. En plein plateau, une sorte de petite mare dans un creux, c'est à peu près l'image qu'il faut se faire de la doline ? Exactement, et c'est sans doute la raison pour laquelle les hommes se sont installés ici, sans doute un moment assez long, on pense. Alors il y a en plus, et tout ça se complique, il y a des phénomènes de soutirage, c'est-à-dire que vu que l'eau va s'enfoncer dans la terre et va tirer les sédiments et bien sûr les objets archéologiques vers le fond. Au centre de ce creux, on a déjà trois autres creux, trois autres dépressions, c'est ce qu'on appelle des soutirages. Et chacune ont livré des industries, mais qu'on a du mal à dater, qui sont plus anciens que les dates avancées auparavant. Donc on sait qu'on est avant 90 000 ans, mais on peut pas savoir si on est autour de 150 000 ans ou plus ancien. C'est difficile à dire pour le moment. Donc on va essayer de dater les niveaux, mais les niveaux de terre, hein, notamment par des méthodes comme l'OSL, donc c'est un peu spécialisé. On va se diriger vers la coupe qui est un petit peu plus loin, une coupe qui semble visiblement très belle et sur laquelle vous avez fait des sortes de petites encoches. De quoi pourrait-il s'agir exactement ? Alors, ces encoches sont faites pour un examen microscopique en fait des sédiments par la géomorphologue Christine Chausset qui va regarder dans ce qu'on appelle des lames minces au microscope tous les impacts du climat sur les sédiments et reproposer du coup une chronologie très fine. Et en fait, ces chronologies très fines, elles sont intéressantes parce qu'on peut les corréler avec des enregistrements très complets qu'on a par ailleurs, notamment dans les carottes glaciaires autour du pôle Nord. Et donc, on arrive à corréler et avoir des âges très précis de ces événements climatiques. Et donc, du coup, on sait précisément où on se trouve, quel est l'environnement. Donc, autant d'informations qui sont primordiales pour expliquer le site et son pouvoir d'attraction aussi, quoi. Alors, au-delà de la colonne géomorphologique qui a été réalisée, une sorte de grosse encoche dans un niveau de sédiment gris, qu'est-ce que vous espériez trouver à cet endroit ? En fait, c'est en nettoyant la coupe stratigraphique qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de charbon. Ces charbons, en général, ne sont pas conservés pour les périodes très anciennes comme ça. Donc du coup, on a multiplié les échantillons parce que c'est tout petit bout. Donc il nous faut des quantités assez importantes pour arriver à déterminer quel type d'arbre était présent, quel environnement, si c'est des environnements plutôt secs, si c'était de la toundra. On a plein d'environnements très différents pour ces périodes. Ça peut être des milieux tempérés avec beaucoup de feuillus, de chênes, de noisetiers ou... Du coup, tout ça, on le verra à la post-fouille, mais on a multiplié tous ces prélèvements de charbon qu'on trouve à peu près dans tous les niveaux. Donc, ce qui est quand même quelque chose, pour le coup, de vraiment exceptionnel. On n'a pas de référence dans la région, et même plus au nord, sur des ensembles aussi charbonneux. Vous avez déjà des résultats ? On a du conifère froid ou du feuillu de période chaude ? On a plutôt du feuillu tempéré pour l'instant, mais alors c'est très partiel comme ça a été. On a regardé ça très rapidement. Donc ça, c'est l'anthracologue, la spécialiste des charbons, Sylvie Coubret, qui a regardé ça. Mais elle n'a pas commencé l'étude, donc on aura des résultats mieux étayés par la suite, et notamment et surtout par rapport aux différents niveaux. Là, elle a fait un échantillon au hasard, mais elle n'a pas du tout étudié de façon exhaustive. Frédéric Blazer, est-ce que vous avez trouvé la main de l'homme ? Alors, on a trouvé la main de l'homme derrière le silex taillé, mais on n'a pas trouvé l'os, malheureusement. Par contre, on a trouvé d'autres ossements, qui sont des ossements de mammouth. Donc, ce qu'on n'attendait pas du tout de trouver ici, parce qu'en général, en contexte de plateau, tout ce qui est os n'est pas conservé, car les sols sont trop acides et dégradent complètement la matière osseuse. Donc, en général, il ne reste rien. Et là, miraculeusement, sans doute lié à la dimension hors norme du mammouth, ben on a retrouvé plusieurs éléments, une défense, sans doute deux mandibules et plusieurs dents. On en est en tout, là, avec les dents comprises dans les mandibules, on en est à 9 dents. Donc sachant qu'en général, un individu a 4 dents, donc on est probablement autour de 3 mammouths. Le silex ? Puisque c'est votre métier, vous êtes exactement. Spécialiste du silex, vous êtes lithicien, comme on dit dans votre jargon. Voilà, exactement. Donc c'est aussi une des autres particularités, c'est qu'on a une production assez abondante d'outils en silex. Et pour les niveaux liés au mammouth, on voit un seul objectif recherché, qui sont des pointes. Et ce qui est très intéressant pour nous, en fait, c'est que c'est très rare. On a un site qui est équivalent, qui est dans le Val d'Oise, qui s'appelle Villiers-Adam, qui est daté à peu près de la même période, autour de 90 000 ans. Mais ce qui est très intéressant, c'est déjà quand on en avait qu'un, c'était un peu léger. Là, on en a deux à la même période. Donc, on peut s'interroger, est-ce qu'on a vraiment identifié un groupe culturel, technique et culturel ? Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que les nombreuses pointes qu'on a sont quand même assez différentes entre elles. Donc on a l'impression qu'ils font pas des pointes pour avoir un type d'outil, mais que sur leurs pointes, ils font plein d'outils différents. Donc pour le coup, le choix de faire des pointes serait pas un choix fonctionnel, mais vraiment un choix culturel. On veut des pointes et à partir des pointes, on va faire plein d'outils différents. 90 000 ans, on est du temps de l'homme de Néandertal. Tout à fait, ouais, c'est Néandertal, tout en gardant en tête, c'est toujours une précaution d'usage, qu'on n'a pas beaucoup de squelettes de Néandertal de cette période-là. On a même un vide de connaissances, sachant que les squelettes bien datés qu'on a sont bien datés et très incomplets, sont plus au nord ceux de Tourville-la-Rivière, mais qui sont rapportés à la glaciation précédente, tout comme ceux de Biache-Saint-Vaast, où on a une calotte crânienne qui est aussi de la glaciation précédente. Et alors, plus proche d'ici, à Arcis-sur-Cure, on aurait sans doute des vestiges de néandertaliens, mais de la toute fin de Néandertal, autour de 40 000 ans. Donc, pour cette période, on n'a pas trouvé d'ossements. On pense que c'est Néandertal, c'est ce qui est admis en général. Mais ce qui est aussi intéressant à cette période, c'est qu'en même temps au Proche-Orient, Néandertal a migré jusqu'au Proche-Orient et a une coexistence avec Homo sapiens sapiens. Donc c'est sûr qu'on ne paye pas à l'abri qu'un jour on découvre la même coexistence chez nous, sauf que pour l'instant on n'a rien pour l'étayer. Mais on n'a pas de squelette, donc la culture technique ça rappelle celle que fait Néandertal, mais au Proche-Orient on voit bien que Néandertal et Sapiens Sapiens produisent les mêmes choses. C'est pas la culture technique qui va discriminer l'espèce humaine, donc c'est des recherches pour l'avenir ça. On serait dans une grande culture, culture matérielle, que l'on appellerait le moustérien, c'est bien ça? Alors le moustérien, c'est justement le nom de culture qui a été donné à la fin du 19e siècle par Gabriel de Mortier et qui recouvrait donc effectivement 250 000 ans. Donc c'est vrai que cette dénomination est toujours employée, mais elle est un peu vague et elle permet pas de retracer un groupe culturel sur autant d'années, sur 250 000 ans. Donc les préhistoriens ont tendance quand même à essayer d'isoler des groupes techniques et culturels un peu plus fins dans la durée. Donc c'est ce que je disais, le fait d'avoir une production là de pointe va peut-être aller va nous permettre de déterminer un groupe à pointe autour de 90 000 ans dans ce qui était autrefois une partie du moustérien. Mais c'est vrai que du coup on utilise beaucoup moins le terme de moustérien qui est un terme très ancien. Hein. Qu'est-ce qu'ils en faisaient, ces hommes de Néandertal, de toutes ces pointes? On peut imaginer qu'ils chassaient avec. Il y a eu pas mal d'expérimentations qui ont montré que ça pouvait être utilisé dans ces conditions. Mais surtout, on a remarqué qu'ils s'en servaient en fait comme des couteaux, très rarement comme des pointes. Donc ça peut arriver, mais ça, il faut avoir une étude approfondie. Là, on sort de la phase terrain, donc on n'a pas encore regardé. Notamment, on va porter une attention particulière sur les pointes, où les traces d'impact sont en général enregistrées s'il y a eu un jet ou... Mais on part plutôt sur l'hypothèse de beaucoup de tâches différentes, comme couper, racler, percer, mais pas forcément en lance ou en arme de jet. On va se redéplacer petit à petit pour voir exactement ce qu'il se passe un peu plus loin. Là, donc, nous longeons la coupe stratigraphique et puis, d'un seul coup, deux personnes centrées sur un point. Que se passe-t-il exactement à cet endroit ? Alors c'est en fait juste avant de fermer le chantier, on a voulu raviver une coupe, c'est-à-dire la reculer un petit peu pour voir les sédiments et essayer de dater la couche du mammouth. Et en faisant ça, en fait, on est tombé sur une dent dans la coupe. Donc on est revenu là pour fouiller cette dent, donc reculer la coupe. Et en faisant ça, on a découvert une autre dent juste à côté. Et les deux éléments semblent révéler la présence d'une mandibule, mais malheureusement, la partie osseuse a complètement fondu et n'est pas conservée. Donc si on creusait peut-être encore 10 cm de plus, on pourrait de nouveau avoir des choses ? Alors, vu la répartition des mammouths, on pense que ça peut même toute la zone sur 5 à 10 mètres peut contenir des mammouths. Malheureusement, on est hors emprise de fouille. Et donc là, ça ne dépend plus de nous, ça dépend en fait du service régional de l'archéologie ou encore de voir avec l'aménageur si on pourrait ouvrir un petit peu plus. Mais là, c'est plus du tout de notre ressort. On sait que le site continue et que forcément, on aura encore des ossements si on ouvre un peu plus, mais la décision ne nous appartient pas. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Grégory Bell, qu'est-ce que vous faites ? Alors, on essaye de retirer une dent de mammouth qui est très mal conservée. On procède par un détourage assez large de la dent. On applique des bandes plâtrées sur du cellophane pour protéger la dent et pour pouvoir la retirer en motte avec une coque de bande plâtrée. On a appliqué déjà une première couche de plâtre sur le cellophane et sur la dent. Et on va progressivement descendre en dessous la dent pour pouvoir la démoter plus facilement. Voilà. Il n'y a pas une dent, il y en a deux. Alors il y a deux dents, c'était la surprise de la journée. Frédéric Blazer et son équipe avaient déjà observé l'apparition d'une dent en faisant une réfection de coupe. Et en dégageant la dent, on a observé une deuxième qui est apparue. Et la disposition de ces dents fait penser qu'on est vraiment sur une mâchoire d'un même individu. Ils sont parfaitement symétriques, la même longueur, etc. Donc on a vraiment une mâchoire qui apparaît, mais qui n'a pas d'os. L'os a disparu. Il reste un petit peu de lambeau accroché à une dent, mais l'os a complètement disparu. On n'a plus que les dents qui sont restées figées dans le sédiment. Pourtant, la mandibule maxillaire inférieure, en général, c'est très solide, comme c'est en général ce que l'on retrouve. Ouais. Là, l'os, sur tous les restes qu'on a découverts sur le site, c'est essentiellement des dents. On a très peu de cas où l'os est conservé. On a eu une mandibule qui a été découverte un peu plus loin et qui a été retournée, et l'os est très très mal conservé. Il ne reste plus que pratiquement du sédiment qui s'est oxydé, en fait, qui s'est concrétionné sur la dent. Mais voilà, c'est l'unique vestige de l'os qu'on a pu avoir sur le terrain. L'essentiel, c'est que des dents. Donc la partie la plus résistante du squelette du mammouth qui a été conservée. Il y a aussi une défense ? Une défense qui a été retrouvée à quelques mètres de là. Une défense qui a été conservée en partie sur la pente. On a pratiquement l'intégralité. Pareil, très très mal conservée. Hein. C'est vraiment de l'ivoire qui est très émietté. Et on a la forme, on a pu avoir la forme intégrale et la retirer. Pareil en bande plâtrée. Donc ces dents-là, elles vont être ensuite transportées en laboratoire et fouillées en laboratoire. Voilà, nettoyées, consolidées au fur et à mesure pour permettre une étude, pour permettre d'essayer d'identifier mieux ces dents, à quel endroit de la mâchoire elles se trouvent, à quel âge, est-ce qu'on ça appartient à un individu, même individu, etc. Ou la dent qui est un peu plus loin, est-ce que c'est le même individu? Et quel type de mammouth? Bien sûr, vous pouvez déjà le dire. Vous avez déjà une idée sur le type de mammouth, la sous-espèce de mammouth, puisque vous êtes archéozoologue? Alors, on a une première idée de ce qu'on a vu sur le terrain, déjà. La morphologie, les lames qu'on retrouve, hein, qui sont caractéristiques de ces mammouths, nous font penser déjà, en première hypothèse, à du mammouth laineux, donc le même que Changis-sur-Marne, le Mammuthus primigenius, hein, le dernier de la lignée des mammouths. Les autres sont très, très différents? Ils sont ils sont déjà le mammouth laineux est déjà de plus petit format, de plus petit gabarit par rapport à ses prédécesseurs. Et puis la morphologie des dents est vraiment différente, donc on arrivera vraiment à cerner, je pense, à identifier cette espèce. Ces deux dents, elles ne sont pas très très très grandes. On aurait affaire à un petit animal? Oui, on aurait peut-être affaire à un petit animal. Est-ce que le spécimen, par exemple, à Changis-sur-Marne est peut être comparable, hein. Après, il faut savoir aussi qu'on a de l'os qui a fondu, donc on a l'impression effectivement que ça se rétrécit. Mais voilà, on a vraiment dans des gabarits vraiment du mammouth laineux, quoi. Grébel, il faut le dire, vous êtes le fouilleur du fameux mammouth dénommé Helmut le mammouth, c'est bien ça? Alors, c'était quoi cette histoire? C'est une histoire en 2012, donc des chercheurs de l'INRAP avaient justement mis en évidence, découvert des ossements de mammouth sur cette commune, tout proche de la Marne. Et puis donc il y a eu une fouille de sauvetage sur ce gisement. Donc on avait découvert effectivement une accumulation d'os de mammouth laineux, d'au moins deux individus, quelques industries lithiques, dont un qui est en association directe avec ces ossements. Et donc, on est toujours en train d'étudier ces ossements. Voilà, donc pour l'instant, c'est en cours. Et le milieu était très différent, puisqu'aujourd'hui, ici, nous sommes sur une sorte de doline au cœur d'un plateau, alors que vous étiez en bord de rivière. Alors, on a deux contextes vraiment tout à fait exceptionnels, puisqu'effectivement, d'avoir une accumulation à Changis-sur-Marne en bord de Marne, c'est assez rare. Hein. La plupart du temps, ce sont des ossements qui sont trouvés dans les carrières et qui n'ont pas de contexte paléo-environnemental, sédimentaire. Et donc là, on a eu l'occasion à Changis-sur-Marne d'avoir ce contexte, justement, et de pouvoir étudier toute la séquence stratigraphique, comment étaient disposés les ossements, etc. Ici, à Montreux, on a tout à fait un caractère exceptionnel, c'est qu'on a très peu de sites qui offrent des ossements, même si c'est très mal conservé, mais pour du plateau, c'est très très rare. Et là, on va avoir justement ces informations avec une séquence particulièrement intéressante, en association avec des industries lithiques plus abondantes, en tout cas qu'à Changis-sur-Marne. On va pouvoir justement avoir deux contextes différents et qu'on va pouvoir confronter justement ces données, autant au niveau stratigraphique, mammouth, industrie lithique, etc. Donc c'est vraiment, vraiment exceptionnel sur les deux cas. Les mammouths de Changis sont en laboratoire depuis 3 ans. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que vous avez entrepris pour comprendre cette histoire? On n'a pas fini encore avec cette histoire, en fait. On a fait une grosse phase de nettoyage, de stabilisation des ossements qui a pris beaucoup de temps, parce que voilà, il a fallu trouver du temps, etc., des gens pour travailler dessus. On a fait beaucoup de travail, il y a eu beaucoup d'analyses qui ont été faites, tout ce qui est environnement, paléo-environnemental, donc l'étude des coquillages, l'étude des sédiments qui est encore en cours, les quelques charbons qu'on avait trouvés, etc. Donc il y a vraiment tout un travail d'analyse de spécialistes qui sont intervenus dessus. Les datations aussi, on a eu les datations faites sur ce site. Quelle époque ? Les datations sur les ossements de mammouth et sur les grains de quartz donnent à peu près un âge de 90 000 ans, donc du début vexillien, donc qui pourrait peut-être être contemporain, hein, ou plus ou moins, une période plus ou moins large avec le site de Montreux. Et puis, donc du travail aussi sur l'identification, hein, des mammouths. Donc on en a deux, on a pu identifier les âges des adultes. Le sexe, malheureusement, on en a pu déterminer un, mais pas le plus complet, on va dire, où il y a un point d'interrogation encore qui reste dessus. Un mâle, une femelle ? Mâle ou femelle, voilà, on ne sait pas trop quoi. Et l'autre ? Et l'autre, un mâle plus robuste, hein, celui qui est le moins complet, est un mâle, un jeune mâle, un jeune adulte mâle robuste. Et puis là, c'est tout un travail qui va être fait sur donc les traces, les observations, les altérations sur les ossements pour pouvoir comprendre comment se sont accumulés les ossements. Frédéric Blazer, on a du mammouth, d'accord, mais est-ce que l'on a des traces d'outils sur ces mammouths ? Alors, malheureusement, l'état de conservation ne permet pas de les distinguer parce qu'il y a toute une fine pellicule sur les ossements qui a disparu, toute la partie superficielle. Donc, notamment, il y avait quand même un fragment d'os long. Mais donc, on ne verra pas, il y a très peu de chances qu'on détermine des traces d'outils dessus. Est-ce que vous avez des outils, en tout cas, qui sont liés ou proches de ces ossements de mammouth ? Alors oui, tous les ossements de mammouth ont été trouvés. On a trouvé à côté de tous ces ossements des outils taillés juste autour. Donc c'est exactement dans les mêmes couches. Donc ils sont forcément contemporains. D'autant que dans cette couche, on sait que cette couche représente un temps très restreint parce que les silex taillés trouvés dedans sont partout les mêmes. C'est partout les mêmes productions de pointes. Donc on sait qu'il y en a une relative contemporanéité de tous ces ensembles, de l'ensemble à mammouth et à pointe. Si je comprends bien, on est sur un plateau, il y a un point d'eau, il y a d'un côté des mammouths et de l'autre côté des hommes qui viennent probablement y vivre. Tout à fait. Alors on peut penser que ce point d'eau était de toute façon un point d'attraction naturel pour les mammouths. Et les hommes, sachant ça, pouvaient créer des embuscades et piéger ces mammouths. Et du coup, ils pouvaient s'installer de façon assez pérenne avec un stock de viande pour quelques temps et de l'eau en permanence. Donc c'était le lieu propice pour une occupation sur du long terme. Pour vous, le plus important pour l'homme préhistorique, c'est quoi ? C'est le mammouth ou c'est l'eau ? Pour moi, le plus important, c'est l'eau parce que c'est ça qui va attirer le mammouth. S'il n'y avait pas d'eau, sans doute le mammouth ne serait pas venu ici à Montreux sur le Jard. Et puis, d'autant plus, surtout, qu'on sait que dans les tribus de chasseurs-cueilleurs actuelles, ce qui va avant tout orienter les déplacements, c'est la présence de points d'eau. Donc tous les parcours nomades sont souvent structurés autour de ces points d'eau. En conclusion, on serait sur quoi ? Un habitat ? Une halte de chasse ? Un petit atelier où on aurait produit quelques outils ? Là, actuellement, on sort tout juste de la fouille, donc c'est très délicat de s'avancer sur ces interprétations. On n'a pas les éléments traditionnellement liés à de l'habitat, comme de la production sur place ou des choses comme ça. Donc moi, je verrais plutôt un lieu effectivement de piégeage, de transformation, d'artisanat où on va traiter les bêtes. Et après, peut-être que le lieu d'habitat est juste un tout petit peu au-dessus, mais qui n'est pas conservé parce qu'il n'est pas dans le creux. Mais il ne doit pas être très très loin, vu qu'il y a tout pour s'installer sur une durée un peu longue. Mais l'habitat en soi, il ne serait pas au fond du trou, on serait plutôt dans une zone de transformation, on pense animale, mais qu'il va falloir étayer et attester par des études comme sur les tranchants des silex, ce qu'on appelle les études tracéologiques. « La semaine prochaine, le Salon Noir se consacrera à l'âge du fer avec Olivier Buchenschütz. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Julien Douminc, attaché d'émission Catherine Denet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inra.fr. Dans quelques instants, retrouvons les fictions de Blandine Massin.